Toute nouveauté dans la religion d'Allah est innovation. Toute innovation est égarement. Et tout égarement mène à l'enfer. Ya Rabbi, in azumat dunubi kathraten. فلقد علمت أن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المذنب ما لي إليك إلا الرجاء وسيلة وجميل عفوك ثم إني مسلم. أيها الأحبة في الله، continuons ce que nous avons commencé et reprenons ce que nous avons débuté et rejoignons ainsi notre chemin béni, traversant les étapes vers la demeure dernière, marahil ad-dar al-akhirah. Et ceci est notre 22e discours parmi les discours de cette noble série, Silsilatu Marahil ad-Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes, lors de notre dernier discours, décrit et expliqué et commenté la 8e et dernière cause parmi les causes du châtiment de la tombe, Asbab Adhab al-Qabr. Et nous avions certes également expliqué par la grâce d'Allah et Azza wa Jal que lorsque la tombe se refermera sur le mort, celui-ci sera soit dans un jardin parmi les jardins du paradis, soit dans un abîme parmi les abîmes de l'enfer. Lorsque la tombe se refermera sur le serviteur, il sera soit dans un jardin du paradis, favorisé, comblé de bienfaits et de délices, élevé et honoré, ou soit dans une abîme parmi les abîmes de l'enfer, rejeté et méprisé, isolé et châtié, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et ce, ayyuhal ikhwatul kiram, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité devant son Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala, afin qu'il soit récompensé dans la demeure éternelle d'Arul Qarar, soit dans un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, ou soit dans un enfer dans lequel le feu flambera, wal'iyadu billah. Mais sachez, ayyuhal ikhwa, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte qu'il y aura des événements qui serviront à prévenir et qui serviront à alerter et qui serviront à avertir les gens de l'approche de ce jour du jugement dernier et de l'approche de cette heure de la résurrection. Et ces événements, c'est ce que l'ulama, les savants, ont appelé les signes ou bien les indications de l'heure de la résurrection. Ashrat al-sa'a ou alamat al-sa'a. Et les ulama ont dit et ont partagé ces signes en deux catégories. Alamat al-sa'a al-sughra wa alamat al-sa'a al-kubra. Les petits signes de la fin du monde et les grands signes de la fin du monde. فَأَمَّا عَلَامَةُ السَّاعَةِ سُغْرَى. Quant aux petits signes de la fin du monde, il y en a qui sont déjà passés. Et il y en a qui sont en train de se passer en ce moment même. Et il y en a qui se passeront dans le futur. وَأَمَّا عَلَامَةُ السَّاعَةِ الْكُبْرَى. Quant aux grands signes de la fin du monde, sachez que lorsque le premier grand signe arrivera, l'heure de la résurrection ne tardera pas de se lever et le jour du jugement dernier aura bientôt lieu. Et sachez que lorsque le premier grand signe arrivera, tous les autres grands signes se succéderont, se succéderont les uns à la suite des autres, de la manière avec laquelle se suivent les perles d'un collier lorsqu'ils se détachent. Mais avant de vous parler des petits signes de la fin du monde, nous tenons et il nous incombe de vous rappeler une loi fondamentale et une base indispensable de notre aqida. Ayyuha al-ahibbatu fillah, sachez que personne, ni sur terre, ni dans les cieux, ne sait quand est-ce que l'heure de la résurrection aura lieu. Personne sur terre ni dans les cieux ne connaît la science de l'heure de la résurrection. Et personne ne sait quand est-ce que le jour du jugement dernier aura lieu, excepté Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, jalla wa ala, n'a dévoilé cette heure à aucun ange rapproché et à aucun prophète envoyé, mais Allah, jalla wa ala, l'a gardé pour lui-même. Et ceci a été prouvé dans de nombreuses preuves du Coran. Allah Jalla wa Ala nous dit « Inna Allaha indahu ilmu sa'a » C'est à Allah qu'appartient la connaissance de l'heure. « Wa yunazzilu al-ghayth » Et c'est lui qui fait descendre la pluie salvatrice. « Wa ya'lamu ma fil arham » Et c'est lui qui connaît ce que contiennent les matrices. « Wa ma tadari nafsun mada taksibu ghada » Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ Et personne ne sait sur quelle terre il mourra. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Et Allah nous dit également يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَ Les gens t'interrogent quant à l'heure. قُلْ Dis يَا رَسُولَ اللَّهِ Dis يَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ Dis, sa connaissance n'appartient qu'à ton Seigneur. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا Et qu'est-ce que tu en sais? Il se peut que l'heure soit proche. Et Allah nous dit, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا Il t'interroge quant à l'heure, quand est-ce qu'elle aura lieu? فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا Où est-ce que tu en as la science? إِنَّمَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا Sa science n'est qu'auprès de ton Seigneur. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْدِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا Tu n'es qu'un avertisseur qui la redoute. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا Et Allah nous dit, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا Il t'interroge quant à l'heure, quand est-ce qu'elle aura lieu? قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي Dis, la connaissance de cette heure n'est qu'auprès de mon Seigneur. La yujalliha liwaqatiha illa hu. Ne fixe son terme que mon Seigneur. Thaqulat fis samawati wal ard. Et elle a été alourdie sur les cieux et la terre. La ta'tikum illa baghta. Elle ne vous arrivera que soudainement. Yas'alunak ka'annaka hafiyun anha. Il t'interroge comme si tu en avais la connaissance, comme si tu en avais la science. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ Dis, sa science n'est qu'auprès d'Allah. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Mais la plupart des gens ne le savent pas. Et dans le hadith rapporté, le fameux hadith de Jibril alayhi salam, lorsqu'il vint questionner le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, et lorsqu'il lui demanda sur l'heure de la résurrection et qu'il lui dit أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ Informe-moi quant à l'heure, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne trouva comme réponse que de lui dire Mal mas'oul anha bi'a'lama min as-sa'il Ni celui à qui on vient de poser la question n'en connaît la science que celui qui vient de poser la question. Alors ayyuha al-ikhwatul kiram, si Jibril alayhi salam, le maître des anges et le plus pieux des anges, et celui qui possède le plus haut degré des anges, celui qui a été chargé de la révélation, ne connaît pas la science de cette heure. Et si Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, imam al-muttaqin, wa sayyid al-mursalin, l'imam des pieux et le plus noble des messagers, n'en connaît pas la science, fama dhannukum, qu'en est-il de ceux qui sont inférieurs à eux, en degré de piété et en degré de faveur, et en degré de grâce auprès d'Allah Azza wa Jal, Ainsi, ayyuha l'ikhwa, personne ne connaît la science de l'heure de la résurrection. Et personne ne sait quand est-ce qu'elle aura lieu, excepté Allah Azza wa Jal. Mais Allah Jalla wa Ala nous a avertis et nous a prévenus que cette heure se rapproche. Et que le jour du jugement dernier est très proche. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, avant toute chose, nous a avertis que quiconque prétend détenir ou connaître la science de l'heure de la résurrection n'est certes qu'un mécréant qui aura démenti et qui aura traité de mensonge Allah et son prophète alayhi salatu wa salam. Quant à la proximité de l'heure de la résurrection, Allah Jalla wa Ala nous a avertis qu'elle se rapproche, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Est-ce qu'ils attendent que l'heure de la résurrection ne leur vienne soudainement, alors que les signes de cette heure y sont déjà arrivés? فَأَنَّ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Et certes, lorsqu'elle viendra, elle leur viendra qu'à l'improviste. Et Allah nous dit également: اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Le jugement des hommes s'est rapproché. Le jugement des hommes s'est rapproché alors qu'ils sont encore distraits et ils sont encore dans leur insouciance. Aucun rappel de leur Seigneur ne leur vient alors qu'ils ne l'écoutent, tout en s'amusant et tout en se distrayant. Et Allah nous a dit également: اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. L'heure se rapproche lorsque la lune se fendra. Alors Allah Jalla wa Ala nous a avertis que cette heure se rapproche et que le jour du jugement dernier est très proche. Et commençant ainsi les propos sur les petits signes de la fin du monde, عَلَامَةُ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ وَأَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ. Le premier signe de la fin du monde, faisant partie des petits signes de la fin du monde, عَلَامَةُ السَّاعَةِ الصُّغْرَى, est la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. بِعْثَةُ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam est le premier signe de la fin du monde, comme a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim selon Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu. Celui-ci a dit: j'ai vu un jour le messager d'Allah alayhi salatu wa salam montrer ses deux doigts, l'index et le majeur, et dire: j'ai été envoyé avec l'heure de la résurrection comme mes deux doigts. Et ceci est une preuve de la proximité de l'heure de la résurrection. Et comme il a été rapporté également par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani selon Abi Jubayrat radiallahu anhu, celui-ci a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: j'ai été envoyé avec le souffle de l'heure de la résurrection. J'ai été envoyé avec le dernier souffle de l'heure de la résurrection. Cela prouve que l'heure de la résurrection arrive bientôt. Al-Imam Al-Qurtubi nous dit dans son livre Tadhkira: le premier signe de la fin du monde est l'arrivée du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, car c'est lui qui a été envoyé à l'humanité entière, et c'est lui qui est venu pour parachever la religion, et c'est lui le prophète de la fin des temps et des derniers temps. Et il n'y aura aucun prophète entre lui et le jour du jugement. Naam. L'arrivée du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, également comme petit signe de la fin du monde, min alamati sa'ati sughra, lorsque la lune s'est fendue en deux parties. Et ceci s'est passé à l'époque du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, a été un signe de la part d'Allah azza wa jal afin d'appuyer et afin de soutenir le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et il y a eu de nombreux hadiths authentiques qui nous l'ont prouvé. Il a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim selon Anas radiallahu anhu, celui-ci a dit: un jour les mécréants de Mecca questionnèrent le messager d'Allah alayhi salatu wa salam et lui demandèrent de lui montrer un signe, de lui montrer un miracle. Et alors le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, leur montrèrent la nuit, leur montrèrent la lune. Il leur montra la lune. Et la lune était en train de se fendre en deux parties. Et alors ils aperçurent la grotte de la révélation, Gharu Hira, dans la montagne, entre les deux parties de la lune. Et alors le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, leur montrait la lune et leur disait, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin. Et dans une autre version rapportée par l'imam muslim selon et l'imam al-Bayhaqi, il a été dit que la lune s'est fendue en deux parties jusqu'à ce que la première partie soit d'un côté de la montagne et l'autre partie de l'autre côté de la montagne. Ayah min ayatillah. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam s'écriait en montrant la lune et en disant Ishhadu, Ishhadu, soyez témoins, soyez témoins. Un signe évident et un miracle étonnant de la part d'Allah azza wa jal, qui a appuyé et qui a confirmé et qui a soutenu le messager d'Allah alayhi salatu wa salam lorsque les mécréants de Mecca questionnèrent le prophète alayhi salatu wa salam. Et quelles furent leurs réponses? Quelles furent leurs réponses de ces mécréants? La réponse de celui à qui Allah a scellé son cœur. La réponse de celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a aveuglé sa vision et sa prévoyance. Na'am. Ils ne voulurent pas en croire leurs yeux lorsqu'ils observèrent ce signe évident de la part d'Allah azza wa jal. Et alors, ils demandèrent aux tribus arabes et aux voyageurs, est-ce qu'ils avaient véritablement vu la lune se fendre en deux parties? Et ils dirent, si. Ils nous disent oui, alors peut-être que cela est véridique. Mais s'ils nous disent non, alors c'est encore ce sorcier Ibn Abi Kabsha qui vous a ensorcelé par cette magie. Na'am, car lorsqu'il voulait se moquer du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il le traitait de Ibn Abi Kabsha afin de se moquer de lui. Et alors, ils allèrent demander au messager d'Allah, ils allèrent demander aux tribus et aux voyageurs, est-ce que cela a été véridique? Est-ce qu'ils ont véritablement vu la lune se fendre en deux parties? Et lorsqu'ils dirent oui, et lorsqu'ils affirmèrent, ils refusèrent d'avouer. Ils refusèrent d'avouer et ils s'enfoncèrent dans leur entêtement et dans leur mécréance. Et ils ne dirent que cela n'est que de la magie persistante. L'heure se rapprochera lorsque la lune se fendra. Et lorsqu'ils s'éloignent, et lorsqu'ils voient un signe évident, ils disent que cela n'est que de la magie persistante. Ainsi, lorsque la lune s'est fendue en deux parties à l'époque du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, cela est également parmi les signes de la fin du monde, min alamati sa'ati sughra. Ayyuha al-ikhwa, min alamati sa'ati sughra également, parmi les signes de la fin du monde, wafatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La mort du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, bi abi huwa wa ummi, sallallahu alayhi wa sallam, car certes ceci fut une catastrophe pour la communauté musulmane, et ceci a été rapporté par l'imam al-Bukhari selon Awf ibn Malik radiallahu anhu. Celui-ci nous dit, j'allais voir lors de la bataille de Tabouk le messager d'Allah alayhi salatu wa salam qui était sous une tente en cuir et il me dit, compte six signes avant l'heure de la résurrection. Ma mort, la conquête de Baytul Maqdis, deux épidémies qui se répandront chez les gens et qui provoqueront la mort de nombreux gens. Une surabondance de richesses, à un tel point que lorsqu'on donnera 100 dinars à une personne, elle sera insatisfaite et mécontente. Une tentation qui n'épargnera aucun foyer et aucune tribu arabe. Et un traité de paix qui sera signé entre vous, les musulmans, et Beni Asfar, les byzantins. Mais ceux-ci vous trahiront. Et se dirigeront vers eux, et se dirigeront vers vous, avec 80 étendards. Sous chaque étendard, il y aura 12 000 hommes. Six signes que le prophète, alayhi salatu wassalam, a informé aux compagnons, radiallahu anhum. Le premier, la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, tu mourras et certes, ils mourront eux aussi. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Et nous donnerons à aucune créature avant toi à l'éternité. Si toi tu meurs, est-ce que eux ils mourront? Est-ce que eux ils seront éternels? نعم، موت النبي صلى الله عليه وسلم لمخرج مسجد الله عليه الصلاة والسلام الحبيب المصطفى fut certes une catastrophe dans le rang des musulmans et fut certes une catastrophe pour ce bas monde et fut une catastrophe pour les compagnons et les sahabes radiallahu anhum. موت النبي صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète alayhi salatu wasalam est mort, ceci fut une catastrophe pour les compagnons radiallahu anhum. Anas nous dit radiallahu anhum. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wasalam arriva dans la ville de Medina, cette ville fut illuminée de toutes parts. Et lorsqu'il mourut alayhi salatu wasalam, cette ville fut obscurcie de toutes parts. Et lorsque nous l'enterrâmes, sallallahu alayhi wa sallam, nous ne sommes pas encore lavé nos mains que nos cœurs désavouaient et désapprouvaient cela. Wafatu Rasulillah alayhi salatu wa sallam, ayyuhal ikhwa, musibatun kubra, c'est une grande catastrophe pour la communauté musulmane, à son époque, mais également à notre époque, ayyuhal ikhwa. Et également parmi les signes de la fin du monde, Fathu Baytul Maqdis, la conquête de Baytul Maqdis, la conquête du temple de Jérusalem. Et ceci a déjà eu lieu à deux reprises. La première au temps de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et la deuxième au temps de Salah ad-Din rahimahullah. Parmi les signes de la fin du monde également, deux épidémies qui se répandront chez les gens et qui provoqueront beaucoup de morts. Parmi les signes de la fin du monde également, la surabondance de richesses. Et cela arrive de nos jours et ne cesse d'arriver jusqu'à ce que lorsqu'on donnera 100 dinars à une personne, celle-ci sera insatisfaite et déçue et énervée. Parmi les signes de la fin du monde également, une tentation qui n'épargnera aucun foyer musulman, une tentation qui n'épargnera aucune tribu arabe. Et parmi les signes de la fin du monde, un traité de paix et d'armistice entre les musulmans et les byzantins. Mais certes, les byzantins trahiront ce traité et se dirigeront vers les musulmans avec 80 étendards. Sous chaque étendard, il y aura 12 000 hommes. Revenons à la mort du prophète, alayhi salatu wasalam. Fabimautihi sallallahu alayhi wasalam, par sa mort, alayhi salatu wasalam, la révélation du ciel s'est arrêtée. Par sa mort, alayhi salatu wasalam, la prophétie s'est achevée et terminée. Et par sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à apparaître les troubles et les tentations al-fitan. Et c'est également parmi les signes de la fin du monde. Min alamati sa'ati surra, les tentations et les troubles qui se multiplient al-fitan. Comme nous a rapporté al-imam Ahmad, wal-imam al-Tirmidhi selon Abi Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendra un temps, viendra une époque où apparaîtront des tentations al-fitan plus obscures que les ténèbres de la nuit. À cette époque, une personne sera musulmane la journée et deviendra mécréante le soir, et sera musulmane le soir et deviendra mécréante le lendemain. Durant ces tentations, la personne couchée vaudra mieux que celle assise. Et la personne assise vaudra mieux que celle debout. Et la personne debout vaudra mieux que celle qui marchera. Et celle qui marchera vaudra mieux que celle qui courra. Naam. El fitan. Les tentations et les troubles. Ka fitnati dunya. Wa fitnati mal. Wa fitnati l'aulad. Wa fitnati nisa. Wa fitnati l'umam. La tentation de ce bas monde. La tentation de l'argent. La tentation des richesses. La tentation des femmes. La tentation des enfants, la tentation des communautés musulmanes, la tentation des communautés qui ne cessent de s'opposer et qui ne cessent d'oppresser la communauté musulmane. El fitan, les troubles et les tentations qui arriveront à un tel point qu'une personne sage et une personne calme et une personne sereine et une personne sereine dans sa foi sera désorientée, sera désemparée et ne pourra pas s'appuyer et ne pourra pas tenir avec sa religion. Naam, elle fitane, les tentations et les troubles arriveront à un tel point que la personne désirera être dans la tombe d'un mort. Naam, le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a dit. comme dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim selon Abi Hurayra radiallahu anhu, l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que lorsque l'homme passera devant la tombe d'un homme mort, désirera être à sa place. L'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que l'homme passera devant un homme mort et souhaitera être à sa place. Al-Fitan, les tentations, ayyuha al-ikhwatul kiram, et l'imam Ibn al-Battal nous dit, rahimahullah, ceci se passera à l'époque. Ceci se passera à l'époque où les tentations seront tellement fortes que la personne aura peur pour sa religion. La personne aura peur que la religion disparaisse et aura peur de ne plus avoir de religion. Et la personne aura peur également que ce soit les gens absurdes qui soient les maîtres de ce bas monde. Na'am al-fitan, les troubles et les tentations seront tellement forts que les gens auront peur pour leur religion. Min alamati sa'ati sughra, parmi les petits signes de la fin du monde. Et regardons ainsi les croyants de nos jours. Al-mu'minu al-yawm, le croyant aujourd'hui subit des troubles et des tentations. Le croyant aujourd'hui a du mal et a des difficultés à appliquer sa religion. Et il est éprouvé et il est tenté, tant dans sa croyance, tant dans sa foi, que dans ses comportements, que dans son apparence, même dans ses vêtements et dans ses habits. Et il est tenté, il est troublé par les ennemis d'Allah, et par les ennemis de l'islam, et par les ennemis du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique, selon Anas radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit, viendra une époque où celui qui patiente pour sa religion sera semblable à celui qui se tient sur des braises. Viendra une époque où celui qui patiente sur sa religion sera semblable à celui qui patiente sur des braises. Celui qui se tient sur des braises, ayyuha al-ikhwatul kiram. Et ceci prouve que la religion sera très dure à une époque à appliquer. Le croyant aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, est troublé et est tenté. Et la religion est devenue bizarre et étrange pour beaucoup de gens. Et le croyant subit des difficultés. Pourquoi ? Car il a dit Rabbi Allah. Car il a dit mon Seigneur est Allah. Pourquoi ? Car il a voulu suivre les prescriptions d'Allah. Car il a voulu suivre les prescriptions du Coran et obéir au messager d'Allah et alayhi salatu wassalam. Mais on le traite de fanatique. Mais on le traite d'extrémiste. Mais on le traite d'arriéré. Mais on le traite de terroriste. Et toutes ces insultes qui ne sont que préparées par beaucoup de gens de notre race et beaucoup de gens de notre origine qui ne cessent de répéter ces insultes. Al-Imam Muslim rapporte, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, précipitez-vous vers les bonnes œuvres. Précipitez-vous vers les bonnes œuvres avant l'apparition de tentations obscures telles les ténèbres de la nuit ou la personne musulmane la journée deviendra mécréante le soir, et la personne musulmane le soir deviendra mécréante le lendemain, et l'une d'elles vendra sa religion pour peu de bien de ce bas monde. L'une d'elles vendra sa religion pour peu de bien de ce bas monde. Elle vendra cette religion pour laquelle elle a été créée. Elle vendra cette religion pour laquelle Allah Jalla wa Ala l'a créée, et de laquelle dépend son destin dans l'au-delà. Elle vendra cette religion, ayyuha al-ikhwatul kiram, pour peu de bien de ce bas monde. Et c'est pour cela que beaucoup de gens courent derrière ce bas monde et ne se soucient guère et n'accordent peu d'importance d'où vient leur argent. Est-ce qu'il est licite? Est-ce qu'il est illicite? Et ainsi a été véridique et nous est véridique le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, lorsqu'il nous dit, viendra une époque où la personne ne donnera aucune importance à la provenance de son argent. Est-ce qu'il est licite ou est-ce qu'il est illicite? Et le hadith a été rapporté par l'imam al-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira radiallahu anhu. Tout cela, ayyuha al-ikhwatul kiram, ce sera à cause et c'est à cause de l'absence de la crainte d'Allah et l'absence de la peur d'Allah et Azza wa Jal. Et parmi les petits signes de la fin du monde également, et nous évoquons et nous énumérons les petits signes, ayyuha al-ikhwa, afin que notre foi augmente, afin que notre croyance augmente et afin que nous soyons appuyés et soutenus dans notre religion, surtout à cette époque. ليزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Quant à ceux qui croient, cela leur aura augmenté de la foi et ils se réjouissent. Quant à ceux dont le cœur est malade, cela ne leur a rajouté qu'une souillure après une souillure et ils sont morts en étant mécréants. من علامات الساعة الصغرى أيها الإخوة الكرام parmi les signes de la fin du monde qui sont déjà arrivés, un feu qui a jailli dans la terre de l'Hijaz, un grand incendie qui a jailli dans la terre de l'Hijaz comme nous a informé l'imam Ibn Kathir rahimahullah, et ce en tirant cette information du hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurayra radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: ne se lèvera pas l'heure jusqu'à ce qu'un feu ne jaillisse dans la terre de l'Hijaz, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, près de la ville d'El Medina, et qui éclairera les coups de chameau dans la ville de Boussra, en Syrie. C'est-à-dire que ce feu jaillira dans la terre de l'Hijaz, à côté de la ville d'El Medina, et sera tellement immense, et tellement intense, et tellement haut, jusqu'au point où il éclairera les coups des chameaux dans la ville de Boussra en Syrie. Et ceci est arrivé. Fasadaqa Rasulullah alayhi salatu wa salam, alladhi la yantiqu anil hawa. Et ceci est un signe de la prophétie du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Ceci est arrivé lors du mois de Jumada al-Thani, dans l'année 654 de l'Hijra, comme nous a dit le savant Abu Shama, et comme nous a dit le messager d'Allah, et comme nous a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah, dans son livre Al-Bidayat wa Al-Nihaya, c'était le jour du mercredi, du mois de Jumada al-Thani, de l'année 654 de l'Hijra. Il y a eu un tremblement de terre, à côté de la ville d'El Medina, qui a fait trembler des maisons et des toits. Ce tremblement de terre est resté et a persisté jusqu'au jour d'Al-Jumu'ah, jusqu'au jour du Jumu'ah du même mois. Puis un grand feu a jailli, à côté de la ville d'El Medina, jusqu'au point où les femmes habitantes de Médine tricotaient les vêtements sous la lumière de ce feu pendant 3 mois. Fasadaqa Rasulullah alayhi salatu wa salam. Il a encore dit vrai, sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu anil hawa. Ce feu est ainsi un signe d'Allah jalla wa ala. Et parmi les signes de la fin du monde également, min alamati sa'ati sughra, les petits signes que les musulmans combattent une certaine tribu que le prophète alayhi salatu wa salam a décrit, comme il nous l'a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim selon Abi Hurayra radiallahu anhu. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, l'heure ne se lèvera pas avant que vous ne combattiez des gens dont les sandales sont en poils tressés, au visage rouge et aux petits yeux, au nez cornu, et leur face sera semblable à des boucliers couverts de peau. Faman haoula, qui sont ces gens-là? Ceci est déjà arrivé car les compagnons, radiallahu anhum, à la première période de l'Khalifa de Bani Umayya, ont combattu ces gens-là. Et ils furent victorieux par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et ils récoltèrent des butins. Et ces gens-là, qui ont ces caractéristiques que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous a données, comme nous a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah, ce sont at-Tatars, les Tatars, qui ont envahi les pays musulmans au 3e siècle de l'Hijra. Et ils ont fait couler le sang musulman, mais ils se sont convertis par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et ils sont devenus de bons musulmans, alors qu'ils étaient arrivés jusqu'au point à accrocher le Coran au cou des chiens. Walakin Allah yahdi man yasha. Wallahu yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Allah guide qui il veut à son droit chemin. ومن علامات الساعة الصغرى également parmi les petits signes de la fin du monde, l'apparition des gens menteurs et imposteurs, se prétendant être Rasulullah. Comme il a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, l'heure ne se lèvera pas avant qu'il y ait environ 30 menteurs et imposteurs se prétendant chacun être le messager d'Allah. L'heure ne se lèvera pas avant qu'il y ait environ 30 menteurs et imposteurs se prétendant chacun être le messager d'Allah. Et dans le hadith rapporté par l'imam Tabarani et authentifié par Cheikh Al-Albani selon Hudhayfah ibn Yaman, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y aura dans mes communautés environ 27 personnes, menteurs et imposteurs, parmi elles 4 femmes. Chacune prétendra qu'elle est le messager d'Allah, alors que moi je suis le dernier prophète et il n'y aura aucun prophète après moi. Et ces gens qui prétendent être prophètes, il y en a qui sont déjà apparus à l'époque des compagnons, radiallahu anhum, comme Musaylamah al-Kadhdhab, ou bien Al-Aswad al-Unsi, ou bien Sajjah al-Kahina, et dans l'époque des Tabi'in également, est apparu Al-Mukhtar al-Thaqafi, et il y a un siècle environ, est apparu en Iran un homme sous le nom de Al-Mirzatu Abbas, et en 1985, un Soudanais sous le nom de Mahmoud Muhammad al-Tahir. Tous prétendaient être prophètes. Où sont-ils? Où est leur rappel? N'est resté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et même de nos jours et actuellement, il y a encore deux sectes égarées qui sont sorties de l'islam sous le nom d'Al-Qadianiyya ou Al-Ahmadiyya, qui prétendent que la prophétie n'est pas encore terminée et qu'ils attendent un autre prophète, wal-iyadu billah. Et vous allez être étonnés si nous vous disons que ces sectes ont des activités et ont des suiveurs et qui ne sont même pas loin de notre ville et qui prétendent que Jibril alayhi salam apporte la révélation à Ghulam Ahmed. Wal-iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Mais sachez que ajma' al-ulama, qu'il y a eu un consensus des savants comme quoi quiconque prétend être prophète est un mécréant et que son sang et son argent ne sont pas sacrés. Et quiconque croit ce prophète est un mécréant également, car il n'y a aucun prophète après Mohammed alayhi salatu wasalam. Ainsi, ces menteurs qui sont apparus et qui apparaissent et qui apparaîtront font partie des petits signes de la fin du monde. Min alamati sa'ati sughra, qui avertit et qui nous alerte de l'arrivée de cette heure. Et dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam nous dit: avant le jour du jugement apparaîtront des menteurs imposteurs qui vous apporteront des hadiths que vous n'avez jamais entendus, ni vous ni vos parents. Gare à eux et gare à vous. Gare à eux et gare à vous. Qu'ils ne vous tentent point et qu'ils ne vous égarent point. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wasalam nous a informés et nous a alertés et nous a avertis de ces gens-là. من علامات الساعة الصغرى أيضا. Ce qui se passe tous les jours et ce qui est déjà passé également, la perte et l'absence de l'honnêteté, la disparition de l'honnêteté, car le fait de mettre la bonne personne au bon endroit est parmi les causes pour la communauté, pour que la communauté musulmane soit droite et pour qu'elle se redresse. Et c'est également la cause de son épanouissement et de son réjouissement. Et ce n'est pas, comme le dit les ignorants, ce n'est pas ce que prétendent les ignorants et qu'ils osent dire que la communauté doit se développer. Le développement, ce n'est qu'en suivant les prescriptions d'Allah. Si la communauté ne suit pas les prescriptions d'Allah, ce n'est qu'un sous-développement. Et ainsi, parmi les petits signes de la fin du monde, la disparition de l'honnêteté, car ceci est une preuve de la corruption, de la dignité et de l'honneur, et une propagation de désordre. Et la preuve en est ce qu'ont rapporté Al-Imam Al-Bukhari ou Al-Imam Muslim, que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit: un jour, lorsqu'il prêchait les gens, il prêchait les gens jusqu'à ce qu'un bédouin Al-Arabi vint vers lui et lui dit: ya Rasulallah, quand est-ce que le jour du jugement? Et le prophète alayhi salatu wasalam était en train de prêcher les gens, il termina de parler avec les gens et il termina de leur informer ce qu'il leur disait, car c'était une chose importante. Puis il s'écria et il dit: qui est-ce qui m'a interrogé sur le jour du jugement? Alors le bédouin se leva et dit: moi, ya Rasulallah. Alors il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam: lorsque l'honnêteté disparaîtra, lorsque l'honnêteté disparaîtra, attends-toi au jour du jugement. Et alors le bédouin lui demanda intelligemment: et comment se fera sa perdition et comment elle disparaîtra? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: quiconque confie une chose ou une responsabilité à quelqu'un qui ne le mérite point, voilà comment disparaîtra l'honnêteté. Donc lorsqu'on confie une responsabilité à quelqu'un qui ne le mérite pas, car il n'en a pas le poids, ni la responsabilité, ni la crainte, ni la piété, ni la science, ni la sagesse. Ceci constitue une cause afin que l'honnêteté disparaisse. Et aujourd'hui, nous vivons dans une époque et nous vivons dans une période où les queues sont mises à la place des têtes. Et wallah, une époque où la responsabilité est prise par beaucoup de gens et dans de nombreux domaines, de gens qui ne le méritent pas. Et nous vivons vraiment des années sur lesquelles le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous a dit, comme dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Al-Hakim, et authentifié par Cheikh Al-Albani, selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit, viendra sur les gens des années trahissantes. On ne donnera raison qu'aux menteurs. Et on ne démentira que le véridique. Et on ne donnera confiance qu'aux traîtres. Et on ne donnera pas confiance aux honnêtes. Et ils parleront à Rouy Bida. Ils ont dit, Ya Rasulallah, wa man Rouy Bida. Il dit, c'est l'homme futile, qui ne connaît rien, mais qui parlera sur les sujets de la communauté. Qui parlera et qui donnera son avis sur les sujets de la communauté musulmane. C'est l'homme qui n'a aucun poids, aucune sagesse, aucune science, aucune expérience, mais qui parlera et dont l'avis sera pris sur la communauté musulmane. Il parlera sur ce qui est bénéfique pour elle, sur ce qui est bénéfique pour elle, sur ce qui peut la nuire, alors qu'il ne sait même pas ce qui est bénéfique pour lui-même. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram. La trahison s'est propagée et l'honnêteté a disparu. Et la responsabilité n'est pas donnée à ceux qui la tiennent et ceux qui en sont dignes. Et ainsi, la trahison s'est propagée. Mais savez-vous, quelle est la plus grande des responsabilités? C'est la responsabilité de la religion. La responsabilité qui a été donnée à l'humain, malgré lui. Allah Jalla wa Ala nous dit, « Inna aradna l'amanata ala samawati wal jibel. » Nous avons proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes cette responsabilité. Elles ont refusé de la supporter. Ils ont refusé d'en être chargés. Ils ont eu peur de cette responsabilité. Quelle est cette responsabilité? De faire le bien sur terre et d'éviter le mal et d'être digne de cette responsabilité. Imaginez-vous, les cieux, la terre, les montagnes ont refusé de prendre cette responsabilité. Et ils ont eu peur. Mais l'être humain l'a prise. Et l'être humain en a été chargé. Il est certes très injuste. Et il est certes très injuste et très ignorant. L'être humain a été chargé de faire du bien et d'éviter le mal, et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais il a trahi cette confiance, sauf à qui Allah a accordé sa miséricorde. Il a trahi cet engagement, et il n'a pas respecté ce dépôt, ni ce pacte avec Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans son livre, « Ya ayyuha alladhina amanu la takhounu Allah wa rasoul, wa takhounu amanatikum wa antum ta'lamoun. » Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son messager, et ne trahissez pas vos engagements, alors que vous le savez. Et pire de tout cela, il s'est propagé dans notre communauté des gens, de notre communauté, qui parlent notre langue, et qui nous trahissent, et qui ont trahi Allah Jalla wa Ala, et qui ont trahi le messager d'Allah et sallallahu alayhi wa sallam, par espionnage, par injustice, par hypocrisie. Y a-t-il autre trahison après celle-là? Y a-t-il autre trahison après celle-là? أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Je demande à Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits, ses attributs, qu'il nous accorde l'honnêteté et qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui respectent leurs engagements et qui ne soient pas des traîtres. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Et en tenant sa propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أنسويت أيها الإخوة الكرام, من علامات الساعة الصغرى également parmi les petits signes de la fin du monde, des signes qui ont déjà eu lieu et qui sont en train de se passer également, le fait que la communauté musulmane tend et cherche à ressembler aux autres communautés. Par imitation ou par parodie aveugle, et certains musulmans ne pensent qu'à imiter les autres communautés dans tout et dans n'importe quoi, dans leur religion ou dans leur vie de ce bas monde. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Bukhari selon Abi Huraira, radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que ma communauté imite les gens du siècle passé, religieusement, point par point et à la lettre. Et alors les compagnons lui dirent: ya Rasulallah, s'agit-il des Perses et des Romains? Il dit alayhi salatu wa salam: et alors qui donc? Et alors qui donc? Cette imitation des non-musulmans dans tout et dans n'importe quoi, à l'imitation la plus claire et la plus visible, et nous la remarquons surtout, ayyuha al-ikhwatul kiram, chez beaucoup de musulmanes, dans leurs vêtements, dans leur manière de marcher, dans leur manière de parler, dans leur manière de se comporter, jusqu'au point où on n'arrive point à différencier et à distinguer les musulmanes des mécréantes. Na'am ayyuha al-ikhwatul kiram, ma'al asaf. Beaucoup de femmes ont enlevé le vêtement de l'islam, ont enlevé l'habit de l'islam, ont enlevé l'habit de la pudeur et de la dignité et de l'honneur, afin d'imiter les mécréantes, wal'iyadu billah. Et de nos jours, beaucoup d'hommes ont perdu la jalousie de leur cœur, et ne se soucient de comment s'habillent ou comment se comportent leurs femmes, leurs sœurs ou leurs filles. Et sachez, ayyuha l'ikhwa, que la musulmane, si elle ne s'habille pas avec l'habit de l'islam, si elle ne s'habille pas avec l'habit de la pudeur et de la dignité, et wallahi, elle court un grand danger. Et elle sera menacée du feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Et ceci, ce n'est pas nous qui nous le disons, ce n'est pas nous qui vous le disons, mais ceci sont les propos du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, encore une fois, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Écoutez ce que nous dit le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Al-Imam Muslim wa l'Imam Ahmed rapporte, selon Abi Huraira radiallahu anhu, dans un hadith authentique, le hadith connu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: il y aura deux catégories de réprouvés de l'enfer que je n'ai pas encore vu. Et ceci prouve que c'est un signe de la fin du monde, que je n'ai pas encore vu. Des gens, première catégorie, des gens tenant à leurs mains des fouets pareils à des queues de vache, en train de frapper les hommes. Deuxième catégorie, et des femmes, dévêtues bien que vêtues. Lorsqu'elles marchent, elles montrent leur forme. Et leurs têtes sont semblables aux bosses inclinées des chameaux. Ces femmes n'entreront jamais au paradis et ne sentiront pas son odeur, alors que l'odeur du paradis porte à une distance telle et telle. Wa sadaqa Rasulullah alayhi salatu wa salam. En ce qui concerne la première catégorie, nous passerons brièvement dessus. Quant à la deuxième, ayyuha l'ikhwa, le hadith montre bien que ceci fait partie des petits signes de la fin du monde. Min alamati sa'ati sughra. Des femmes dévêtues bien que vêtues. Elles sont habillées, mais de parure nue. Elles cachent alors qu'elles dévoilent. Elles font montrer leurs apparences, leurs charmes et leurs tentations, wal'iyadu billah. Et lorsqu'elles marchent, elles montrent leur forme. Et elles séduisent les gens. Ces femmes-là ne rentreront pas au paradis. Na'am, elles ne rentreront pas au paradis alors qu'elles ont été musulmanes. Bien qu'elles soient musulmanes, bien qu'elles soient monothéistes, bien qu'elles croient en Allah. Pourquoi? Car elles ont semé la corruption des gens. Car elles ont semé le désordre sur terre. Car elles ont tenté les jeunes. Car elles ont semé, et elles sont la conséquence et la cause de l'apparition des turpitudes et des passions, et de la désolation des mœurs, et de la disparition de la dignité et de l'honneur. Alors, ayyuha l'akhul muslim, ô toi mon frère, fais en sorte que ta femme ou ta sœur ou ta fille ne fasse pas partie de ces femmes. Ordonne le bien et interdit le mal. Mais comment? Par la sagesse, par la bonne parole et par la bonne exhortation, et non par la force et la violence. Car certes, les femmes ne feront que s'enfoncer dans leur égarement et de leur rébellion et de leur entêtement. Cela ne vous fait pas mal au cœur, d'entendre que nos sœurs musulmanes seront peut-être rejetées et refusées d'entrer au paradis. Pourquoi? Pour avoir imité les mécréantes et pour avoir refusé de porter el hijab shar'i, le voile de la femme musulmane qu'Allah jalla wa ala a prescrit du haut des sept cieux. Fallahu al-musta'an. Wala hawala wala quwwata illa billah. El hijab, ce voile sur lequel les hypocrites ont parlé, ce voile sur lequel les hypocrites ont mis le doute dans le rang des muslimines, et ils ont prétendu que ce ne sont qu'une partie des savants qui émettent son obligation. Mais certes, ce voile, il n'y a aucune preuve dans le Coran qui parle de son obligation. Mais certes, ce ne sont que des ignorants, d'une ignorance grave, claire et lointaine. Et ils croient connaître la vérité alors qu'ils en sont loin. Fallah al-musta'an. Min alamat al-sa'at al-sughra également, comme nous avons dit, la première catégorie, des gens tenant à la main des fouets, pareil à des queues de vache, et en train de frapper les hommes. Et écoutez ce hadith que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, rapporté par l'imam Ahmed et l'imam al-Hakim, selon Abi Umamat al-Bahili, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il y aura dans ma communauté à la fin des temps, des gens qui auront des fouets pareils à des queues de vache. Ils sortiront le matin avec la colère d'Allah et ils rentreront le soir avec la colère d'Allah. Min alamati sa'ati sughra. Parmi les signes de la fin du monde également, ayyuhal ikhwatul kiram, l'apparition de la mort subite. Cette sorte de mort qui arrive sans cause. Et elle s'est propagée de nos jours. Une mort qui arrive sans cause connue de cette mort. Allah Jalla wa Ala, au fur et à mesure des temps, va se charger d'enlever les âmes des corps sans émettre la cause avec évidence. Comme nous a rapporté l'imam Tabarani, avec une chaîne de transmission bonne, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, parmi les signes du jour du jugement dernier, l'apparition de la mort subite. L'apparition de la mort par surprise. Comme la mort par crise cardiaque, ou bien la mort par une tumeur au cerveau, ou bien la coupure de respiration subite, et tout ce qui ressemble à cela. Et ceci doit nous motiver, ayyuhal ikhwa, à ce que l'on s'attache à notre religion, et à ce que l'on s'attache et qu'on s'accroche à l'adoration du Seigneur des cieux et de la terre. Car, qui sait, Allah Jalla wa Ala prendra notre âme subitement. Alors espérons que l'on soit dans l'adoration d'Allah pendant ce moment. Min alamati sa'ati sughra aydan, parmi les petits signes de la fin du monde, la propagation du meurtre. La propagation des meurtres et des assassinats. Car le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé qu'avant le jour du jugement se propagera al-harj. Et on lui demanda, et qu'est-ce que c'est? Il dit le meurtre, l'assassinat. Dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, walladhi nafsi biyadih, par celui qui tient mon âme dans sa main, ce bas monde ne se finira pas jusqu'à ce que viendra un jour où le tueur ne saura pas pourquoi il aura tué et le tué ne saura pas pourquoi il a été tué. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, ayyuhal l'ikhwatul kiram, méditez sur ce signe et réfléchissez et observez combien de musulmans sont tués sans cause, combien de musulmans sont tués alors qu'ils n'étaient pas dignes d'être tués. Et aujourd'hui, malheureusement, les âmes ne sont pas considérées à leur valeur et elles ne sont pas sacrées alors qu'Allah Jalla wa Ala nous a dit que les âmes sont sacrées. Alors réfléchissez. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala ne cesse de nous rappeler que la communauté musulmane, malgré tous ces signes, sera elle la victorieuse. Et sera elle qui triomphera. Et c'est à elle qu'Allah Jalla wa Ala apportera la victoire. La preuve en est ce que rapporte l'imam Ahmed wa Sheikh al-Albani qui l'a authentifié. Selon Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, ma communauté est sous la miséricorde d'Allah. Elle ne sera pas châtiée le jour du jugement. Et il veut dire par cela le châtiment éternel. Elle ne sera pas châtiée le jour du jugement, mais son châtiment sera lors de ce bas monde par les tentations al-fitan et les tremblements de terre et l'assassinat et tous les problèmes. Et c'est pour cela que parmi les signes de la fin du monde également, le fait que toutes les communautés se rassemblent afin d'oppresser et afin de s'opposer contre la communauté musulmane. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam avait certes raison. et est certes véridique. Mais sachez, ayo les rois, que malgré cela, la communauté musulmane sera toujours là, à condition que les prescriptions d'Allah soient remplies et à condition qu'elles suivent les prescriptions d'Allah et du Coran. Allah Jalla wa Ala la préservera, car Allah a promis la victoire à cette communauté sur les restes des autres communautés et des peuples, à condition qu'elle obéisse à Allah. Et à condition qu'elle obéisse au messager d'Allah et alayhi salatu wa salam, et qu'elle fasse triompher la religion d'Allah, comme Allah nous dit, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Et Allah soutiendra certes ceux qui soutiennent sa religion. Et Allah est assurément fort et puissant. Ceci est certes quelques signes parmi les signes de la fin du monde et les signes du jour du jugement qui alertent et qui nous préviennent que le jour du jugement est proche. Nous en reparlerons bi'idhnillah la semaine prochaine dans notre prochain discours en tant que deuxième partie sur les signes qui se sont passés et ceux qui ne sont pas encore passés. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Je demande à Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la parole et qu'ils retiennent ce qu'elle contient de meilleur. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ceux-là sont eux les doués d'intelligence. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute erreur de ma part ou toute omission ou oubli ne peut provenir que de Shaytan ou de moi, et toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul. Et je demande à Allah Jalla wa Ala d'évoquer en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et de préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et d'accorder sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses proches et à tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.